Sur le serveur là, je te vois. Non, je t'entends pas. Ah là oui, je t'entends. Attends une seconde. Alors là, attends. Ok. J'entends au loin. Il va falloir que je monte ou je vais arriver. Mais il faut que je mette le casque. Certainement, je sais pas. Bon, je vais couper mon micro. Déjà. Ben voilà. Voilà. Ouais, ça me fait un écho. Voilà. Ouais, je t'entends. Vachement sensible le micro aussi. Mettre le casque, hein. Ouais, ça me plaît bien là. Il y a du souffle. Je m'en souffle. Parce que ça vient. Alors attends. Mute, solo. Attends, je vais te mettre en solo. Hein. Ah mais non. J'écoute ma guitare chez moi ou j'écoute la guitare qu'il y a dans la musique. C'est bizarre. mais c'est toi. C'était, je croyais que c'était moi. Je m'entendais deux fois. D'un coup. Thank you. Bah voilà, hein. Facile, sûr. Ça allait pas ou quoi? T'es tombé? Sais pas pourquoi j'y arrive à la jouer, celle-là, je la connais pas, moi. Ah, il est parti. Ah, il est parti. Dégoûté. Ah non, mais c'était un inconnu. Il y avait un inconnu. Putain, le pauvre. Il a dû sauter. Bon, ça va, on est que deux. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait un étranger là. Ah merde, ils sont deux. Ah non, l'autre c'est Ninbot. Oh, ça va, Ninbot, je le tolère, mais c'est juste, hein. Apparemment, c'est le webmaster du truc là. Ninbot. On peut pas le bannir. Allô? Je t'entends plus. Vaniche. Je suis en train. Ah oui, d'accord. De mettre un truc à la con. Attends, de mettre un son. Ah oui, tu es en train de régler le truc sur le serveur. D'accord. Je comprends. T'as rajouté une piste pour me calmer avec une batterie. Ah ouais, moi j'étais content là avec ton morceau, mais je sais pas pourquoi j'y arrive. Hein. En fait, c'est un morceau, soit il est très facile, ou je sais pas, je l'ai même pas, je l'ai jamais eu chez moi. Ce morceau, je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est Guns. C'est curieux que j'y arrive. Vraiment, je me pose la question pourquoi j'y arrive. Je le connais même pas le morceau. Enfin, je le connais comme ça, je sais que c'est Guns, il me semble. Ou REM, non, peut-être plutôt. Oh, je me souviens même pas le nom de la chanson.